Chapitre 5e. Tout semble en effet perdu. Cependant, le pillage de l'immense entrepôt où sont les liqueurs fermentées apporte un moment de répit. Les assiégés ont une trêve parce que les assiégeants veulent boire. C'est l'armistice de la soif. Une poussée irrésistible effondre les lourdes portes d'acacia. On démolit les entrées pour donner accès aux rebelles que la convoitise rend fou. Oh, joie! Il y a dans cette forteresse de l'alcool, des pots, des jarres, des futailles. Les récipients surabondent et tout est plein. Une odeur violente se dégage de cet amas, enfle les narines à tout le monde et soulève des clameurs de convoitise. La beuverie commence, copieuse, gloutonne, énorme. Et cette absorption générale serait plutôt bouffonne si elle ne devait, à brève échéance, exalter la cruauté native de tous ces ivrognes. Peu leur importe le liquide, son nom, sa nature ou sa qualité, c'est de l'alcool et cela leur suffit. Au hasard des rencontres, ils ingurgitent le charap, noir comme du porter, le colouche d'un blanc de lait, la pulque d'un beau rouge cerise et toutes les variétés de mescal à la fine couleur ambrée. Il y a d'abord un silence relatif, coupé de rauques soupirs, de petits grognements de convoitises enfin satisfaites. On boit toujours, comme si chacun de ces malheureux cherchait non pas une satisfaction de gourmandise, mais plutôt l'ivresse qui flambe la cervelle, fait bouillir le sang, affole et déchaîne la bête humaine. Peu à peu des cris s'élèvent, la foule s'agite, on chante, on danse, on se porte des défis bachiques, une heure s'écoule et l'on boit encore. Alors c'est la grande orgie rêvée depuis longtemps, depuis toujours, par ces hommes en qui sommeille, ataviquement, le mal des ancêtres, le mal qui tuera fatalement la race rouge, l'ivrognerie. C'est maintenant un délire, une frénésie, qui se traduisent par des hurlements de fauves, des gigues de démons, des contorsions de fous. Ils en arriveraient à se battre entre eux si le sentiment de haine pour les Blancs ne survivait, net et précis, au naufrage de leur raison. Ils profèrent contre les gens de l'hacienda d'horribles menaces, mais cependant ne font pas mine d'attaquer. « Si seulement ces coquins tombaient ivres morts !» gronde Jean qui ponctue sa réflexion d'un coup de carabine. Là-bas, un buveur culbute et passe de vie à trépas. « Oui, » répond Don Blas, « nous pourrions sans trop de risques tenter une sortie en masse. » Malheureusement, ils n'en sont pas là. Tenez, voyez plutôt comme votre coup de Winchester les rend prudents. C'est juste, ils sont moins ivres que je ne croyais. Ils cessent en effet leur bravade, ne s'exposent plus autant et même se défilent derrière les obstacles pour gagner sans trop de péril ce gigantesque abreuvoir. Mais du moins, seigneur Don Blas, avons-nous des munitions ? Demande Jean de Fer, inquiet malgré lui. Très peu, hélas, et cela me fait frémir. Et des provisions ? Rien ici, absolument rien. Pas de farine, pas même d'eau. Le magasin aux vivres est contigu au magasin des boissons. Diable, voilà qui n'est guère rassurant. Il faudra tenir bon, cependant, et à tout prix. Ou périr en se défendant. Périr, et le plus tard possible. Oh, je suis inquiet, bien inquiet. Jean ne répond pas, et pour cause, car son angoisse égale celle de la scène d'Héro. Et pour la première fois, l'intrépide aventurier qui jamais ne trembla éprouve très vif le sentiment de la peur. Non pas pour lui, certes, qui si souvent a risqué follement sa vie et que Bob en un temps de galop arracherait de la fournaise. S'il tremble, c'est pour cette exquise Roana, dont il aperçoit au bout de la galerie le fin profil et la taille élancée. Oui, c'est pour elle qu'il a peur. C'est pour son père, pour sa mère, pour ce qu'elle aime. Car il voudrait à tout prix lui éviter une douleur, même un chagrin, même une inquiétude. Et il sent planer sur elle, sur eux tous, la terrible menace, que toute sa vaillance ne pourra conjurer même en sacrifiant sa vie. Il songe, tire des plans, médite quelque folle équipée, quelque aventure grandiose qui les sauvera tous, et ne trouvant rien, marche à pas saccadés sans plus s'apercevoir de la faim, de la soif, de la fatigue, de sa blessure. Cruelle et lente s'écoulent les heures. Maintenant, toutes ces brutes saturées de boissons, mais méchants, exaspérés, veillent et attendent sans paraître décidés à donner l'assaut. On n'a pas encore assez bu pour risquer sa vie. Les chefs ont dû rationner les rebelles. On les voit en effet siroter à petites gorgées sensuelles les breuvages qui ne font plus qu'entretenir l'ivresse, mais sans les amener à l'ultime période d'inertie. La nuit est venue. Alors, pour éclairer la scène, pour empêcher les assiégés de s'enfuir à la faveur des ténèbres, Ils ont mis le feu partout, et soudain l'incendie se déchaîne, formidable. Les cases, les plantations alimentaires, les champs de coton brûlent de tous côtés, de près et de loin, jusqu'aux confins de l'horizon. C'est comme une mer de feu qui s'étale en grondant sous un nuage noir de fumée suffocante. Puis les hangars, les séchoirs, l'huilerie, les presses, la machinerie s'embrase en formant à l'habitation une ceinture de flammes désormais infranchissable. Ça et là, des gommiers surchauffés prennent feu d'un seul coup, brûlent comme des torches et menacent la forêt elle-même d'une conflagration générale. Maintenant, c'est à peine si les réfugiés peuvent respirer au milieu de cette fournaise. Barricadés par peloton dans les différentes pièces de l'énorme bâtiment, ils cuisent littéralement sur place. De tous côtés bolent et s'abattent les flammèges qu'il faut éteindre, puisqu'il n'y a pas d'eau, sous des couvertures. La situation devient de plus en plus cruelle. L'œil sec, les dents serrées, Don Blas contemple cet anéantissement si brutal et si complet de son opulence. Et cette catastrophe, qui l'accable ainsi en plein bonheur, est l'œuvre d'Andrés. Le misérable ne lui a-t-il pas dit « Je ferai de vous un va-nu-pied comme moi ». Et la menace à présent s'accomplit. Alors le regard si dur de la Sendero se mouille en se portant sur sa femme et sa fille. Épouvanté par ses flammes, ses clameurs, ses détonations, par cette bande de forcenés dont les silhouettes rouges s'agitent comme dans une vision d'enfer, elle se rapproche de lui. Debout entre Jean et Joey qui ne le quittent pas, Don Blas murmure tristement. « Pour vous, ô mes chers aimés, sera-ce donc la ruine, la misère et la mort ?» Jean de Fer entend ces paroles de désespoir proférées d'une voix brisée. Voulant cacher l'angoisse qui l'étreint, il montre une confiance qu'il est loin de ressentir et répond avec une insouciance trop affectée pour être sincère. « Bah, la ruine on la répare, la misère on la chasse, la mort on la nargue. Et puis, nous n'en sommes pas encore là. Car voyez-vous, Seigneur, l'homme doit espérer, toujours espérer, même contre l'impossible. » Est-ce que l'on ne revient pas de partout, comme j'en suis la preuve vivante? Ah, mon jeune ami, vous ne portez pas comme moi sur la tête près d'un demi-siècle. Vous n'avez guère plus de 20 ans, et à votre âge, on ne doute de rien. Faites excuse, Seigneur. Je dois avoir environ 23 ans, mais je n'en suis pas bien sûr. Et quoi, vous ignorez votre âge? Seriez-vous sans famille, sans parents? Hélas! Mes parents... Interrompt Jean, comme si ces mots réveillaient en lui un cruel souvenir. Il y a un long silence. On le regarde avec curiosité. Il semble braquer sur lui des yeux qui seulement interrogent. Mais il craint que l'on ne se méprenne à son accent, que l'on ne croie à une tache sur son nom, et qu'enfin il ne rougisse des siens. Il se redresse avec une sorte de fierté douloureuse, et dans cette ambiance de drame, sous les flammes, devant la révolte triomphante, il parle comme dans un cauchemar, pour édifier ces gens qu'il connaît à peine et que la mort menace. C'est tout au plus, dit le jeune homme d'une voix sourde, si en cherchant dans mes souvenirs les plus lointains, j'entrevois deux femmes, l'une jeune, d'une beauté incomparable, avec des cheveux blonds, un visage d'ange. Je l'appelais en français « Petite mère chérie ». L'autre était une indienne, que j'appelais Mama et Mamita, ma nourrice, je crois. Ma mère, je ne l'ai jamais vue même sourire. Toujours vêtue de noir, elle pleurait son mari assassiné. D'un moment irréfléchi, plein de compassion et de sympathie, la jeune fille saisit la main de Jean, la serre et dit doucement d'une voix qui tremble, « Pauvre mère, elle n'avait que vous au monde. Moi seul, oui, señorita, mais aussi comme nous nous aimions, dans la tristesse de notre deuil. » « Oui, je m'en rappelle, » murmura Jean. Ma mère bien-aimée m'embrassait avec une tendresse nerveuse, passionnée, presque maladive, et je crois sentir parfois encore la tiédeur si douce de son baiser. Puis, nous regardions des heures, sans mot dire, abîmés dans une douloureuse contemplation, le portrait d'un homme jeune encore, vêtu d'un bel uniforme et sur la poitrine duquel brillait une étoile d'or attachée à un ruban rouge. C'était mon père. Il me faisait lui parler, comme s'il eût pu nous voir et nous entendre. Et quand ses souvenirs à la fois si cruels et si chers remontaient de son cœur à ses lèvres, elle me disait, dans cette belle langue française que je balbutiais de le berceau, ces paroles à jamais gravées dans mon cœur. Aime-le comme tu m'aimes, ô mon petit ange. Respecte toujours sa mémoire, car il fut un homme de bien, mais il fut aussi un martyr. L'innocente victime d'une calomnie infâme qui a empoisonné sa vie. Plus tard, quand tu seras aussi un homme, tu sauras et tu jugeras. Puis soudain la nuit se fait dans mon esprit. Je n'ai plus ma mère, je suis seul, bousculé, battu par des gens hideux qui me contraignent à des besognes abominables. Ce sont des salteadores qui m'ont volé à ma mère et m'ont emmené loin, bien loin, dans un pays inconnu, et je ne la revis plus jamais. Dès lors, je menais la vie cruelle des petits déshérités qui n'ont plus rien, ni foyer, ni affection, ni espoir, et qui attendent la mort libératrice. Mais pardon, si je vous donne tous ces détails qui sont pour vous d'un intérêt médiocre. Oh, c'est affreux, sanglote Rouhanna, dont le beau visage reflète une compassion infinie. Je ne croyais pas que l'on pût être si malheureux. Et sa mère, Doña Laura, s'écrie toute frissonnante. Parlez, oh, parlez, mon ami. Après ce que vous avez fait pour nous, rien de ce qui vous touche ne saurait nous être indifférent. Je réussis à m'enfuir des mains des salteadores, et je fus recueilli par des matelots. Ils firent de moi un mousse. Là encore, mon existence fut rude, mais singulièrement réconfortante. Je naviguai longtemps, puis je fis naufrage. On me rapatria en Amérique, où je vécus tant bien que mal de bric et de broc, honnêtement, cela va sans dire, jusqu'à l'âge de 16 ans ou approchant. Alors je devins cow-boy. Et depuis, je n'ai plus quitté cette profession que j'aime passionnément. Il me faut ces grandes chevauchées, cet horizon immense de la plaine sans fin, cette liberté sans entrave, qui a pour complément la lutte pour le morceau de pain, le struggle for life. C'est là que je connus Joey. Nous nous sommes sauvés mutuellement et je ne sais plus combien de fois à la vie, et nous nous aimons fraternellement. Ce récit très simple, qui laissait deviner des actes superbes d'audace et de dévouement, n'a pas duré 10 minutes. Coupé par les clameurs des rebelles, ponctué par les coups de carabine qui partent des divers points de l'habitation, interrompu par les craquements de l'incendie, il emprunte aux circonstances mêmes une émotion indescriptible. Aussi, malgré l'angoisse de ce moment tragique, les auditeurs qui ont vu à l'œuvre ce jeune homme de prime abord, campé en héros par les événements, veulent savoir comment il se trouve là. C'est Rouhanna qui résume et manifeste ce désir. « Après, et après, dites-nous le reste » fait-elle, captivée. Tout rougissant, Jean de Fer s'incline de nouveau et ajoute « On m'appelait Jean de Fer parce que tous les cow-boys ont un surnom. » Ainsi, Joey s'appelle Mousqueton parce qu'il est la meilleure carbine de tout le désert. Dernièrement, une expédition américaine venait ici pour étudier, en plein Bolson de Mapimi, un projet de chemin de fer. Elle nous a engagés comme guides. Or, le but de ce voyage nous rapprochait du lieu où réside la mère de Joey, sa mère qu'il n'a pas vue depuis 6 ans. Le contact de ces Yankees butor et orgueilleux nous a vite répugnés. Nous les avons quittés pour nous rendre à Rualito, où se trouve la mère de mon ami. L'hacienda del Refugio se trouvait sur notre chemin. Je résolus d'y demander l'hospitalité, pendant que Joey pousserait jusqu'à son village. Nous nous quittâmes donc avant-hier. Je venais seul, au pas de mon cheval, admirant cette belle forêt, quand j'eus le bonheur, señorita, de donner par hasard dans l'embuscade qui vous était dressée. Aussi, jugez de ma surprise et de ma joie quand je vis, pendant notre fuite, parmi les rebelles, Joey que je croyais près de sa mère. « Oui, » interrompt le métis tout honteux, « je connais ce coquin d'Andrés. Je fis la sottise de l'écouter. » Il me débita des mensonges abominables, des énormités. Il me fit des promesses. M'entortilla et finit par m'emboucher. Mais si jamais je le retrouve, je jure par la Vierge Sainte de le scalper sans pitié. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, Seigneur ? Don Blas sourit tristement et dit de sa voix profonde, « Sans vous et sans Jean de Fer, nous serions tous morts à l'heure présente. Si de tels services pouvaient se payer, je voudrais vous offrir plus qu'une fortune. Aujourd'hui, nous n'avons que notre reconnaissance, et elle est infinie. Maintenant que notre position semble empirer d'heure en heure, nous avons besoin de nous concerter et de tenir sans retard une sorte de conseil de guerre. Vous êtes des hommes d'action et d'expérience, malgré votre grande jeunesse. Quel est votre avis ? Vous, Jean de Fer, parlez le premier. puisque votre seigneurie me fait l'honneur de m'interroger, je répondrai sans réticence ni ménagement. Nous sommes ici environ 40 personnes, sans une pincée de farine, sans une goutte d'eau, et nous n'avons pas plus de 10 cartouches par fusil. Hélas, c'est la cruelle vérité. Eh bien, dans ces conditions, j'estime que nous sommes perdus. Vous entendez bien, Seigneur, absolument perdus. Si des secours ne nous viennent pas sans retard du dehors. Car de deux choses l'une, ou les rebelles tenteront l'assaut, et les cartouches nous manqueront au premier choc, et nous serons pris sans résistance possible, ou, craignant l'offensive, ils nous assiégeront pour nous réduire par la famine. Chose qui, hélas, ne leur sera que trop facile. Quant à essayer d'en faire en masse, au milieu d'eux une trouée irrésistible, désespérée, cela me paraît impossible. Sans chevaux, nous n'irions point sans pas. Oui, vous avez raison. Des secours, mais où les trouver? Dans la région. Il faut courir, chercher, promettre, persuader, bref, rassembler et amener ici, dans 24 heures, une troupe nombreuse, bien armée, de gens déterminés. C'est là malheureusement une chose irréalisable. Raison de plus pour la tenter. Qui donc le pourra? Moi-même, caramba. Mais vous êtes blessé. Tiens, c'est vrai, je n'y pensais plus. Vos forces vous trahiront. Je suis Jean de Fer. Comment sortirez-vous d'ici? Par Dieu, sur l'échine de Bob, mon bon cheval. Quel homme intrépide et généreux vous faites. Je n'en sais rien. Toujours est-il que je vous suis dévoué jusqu'à la mort. Et vous avez l'âme d'un héros. Il n'y a pas 2 jours que vous nous connaissez, et vous nous accablez de vos bienfaits. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux vous le dire dans ce moment suprême. Sachez que, né de la reconnaissance, mon affection pour vous est infinie et que je vous aime comme un fils. Ah, vienne le jour où je pourrai vous témoigner cette affection, où je pourrai à mon tour sacrifier, s'il le faut, pour vous, ma vie. Seigneur Don Blas, je vous en prie, c'est trop. Interromps avec dignité Jean de Fer. Et je n'ose accepter vos éloges qui me couvrent de confusion. Je les mériterai plus tard, ainsi que votre amitié, que je veux conquérir. Maintenant, le temps presse. Laissez-moi partir. Il appelle d'une voix retentissante. « Joey !»« Présent, » dit le métis. « Frère, je vais chercher de l'aide. Alors je viens avec toi. »« Non, tu restes ici. Pour défendre jusqu'à la mort. Tu entends, jusqu'à la mort, Don Blas et les Señoras. » »« Oui, frère, c'est compris et c'est juré. Bien, je compte sur toi. » »« As-tu encore de la guardiante ?»« Oui, le reste de la bouteille. C'est parfait. Arrose et largement ma blessure. » Joey verse à flot sur le pansement la liqueur brûlante et ajoute brièvement « L'appareil tient bon. Il peut rester en place 2 jours. »« Bien, merci, frère. C'est tout ce que je demande. »« Seigneur Don Blas, il faut vous défendre à tout prix pendant 24 heures. Endurez la faim et la soif et repoussez l'assaut. Dans 24 heures, je serai de retour, en nombre, pour vous délivrer ou seul pour périr avec vous. » Alors, sans ajouter un mot, sans même un regard à ceux qui le contemplent béant d'admiration, d'un bond, il s'élance par une fenêtre. Il tombe au milieu des débris calcinés et fait entendre le signal que Bob connaît si bien. Le glapissement aigu, lancinant, de l'oiseau moqueur. Intelligent et fidèle comme un chien, le cheval, tapis on ne sait où, arrive en caracolant au milieu de la formidable incandescence. Jean lui caresse les naseaux et d'un bond saute en selle. En même temps, les révoltés l'aperçoivent. Ils accourent, trébuchant, exaspérés, cherchant à l'entourer. Les injures pleuvent de tous côtés, coupées de détonations. « Coquin, vermine, chien des prairies, arrête, arrête !» Les apaches, ivres, mais plus féroces que jamais, s'appellent et poussent leurs cris de guerre. Jean se courbe sur elle et serre les genoux. De ses lèvres jaillit le crissement du fer de lance, et Bob s'élance éperdument à travers les obstacles. Amis et ennemis les aperçoivent tous deux, l'homme et le cheval, se détachant en vigueur sur l'horizon de pourpre et disparaître, suivi d'un peloton de peaux rouges qui prennent un galop furieux.